les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcou au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait tout le reste. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, du Thai Funk, du Thai Beat, tout un bloc Thai, en fait, avec toutes sortes de reprises tout aussi charmantes les unes que les autres. Ensuite, nous passons à du funk classique, vraiment le funk classique, et ensuite un bloc éclectique, avec du François Droubet, du Asmus, Tietjens, toutes sortes de choses comme ça. Et pour tous entendre, allons-y maintenant. ฉันเป็นเครื่องทดลองเมื่อไร đừng chạy chân chạy qua bớt qua rai tinh chàng đừng chạy chân chạy qua เขาจะหลงรอรอคุณถึงตายรอรอรอแม้รักนิดนิดชีวิตฉันยอมเป็นหมายไม่ขอรักชายรักเขามากลายทนยอมเดียวดายแม้จะตายโอ้ตายไปสิดีดีดีคิดทำลายอย่าคิดจะคิดใจจึงใจทำลายยายาแม่ไม่รักลวนลามทำลายยายาฉันเป็นเครื่องทดลองเมื่อไรใครจริงจังดังใจฉันใจกว่าเปิดกว่าใครจริงจังดังใจฉันใจกว่าใครจริงจังดังใจฉันใจกว่าเปิดกว่าใครจริงจังดังใจฉันใจกว่าใครจริงจังดังใจฉันใจกว่าเปิดกว่าใครจริงจังดังใจฉันใจกว่า Oh, ควรดื่มให้แก้วตาหยอดดวงใจ าซีมาพวกเรามาดื่มกันลืมเถิดลืมมันเรื่องความรักมันเจ็บนักมันปวดนักคนที่เรารักกลับมาว่าเราเป็นคนไม่ดีโลกนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีความแน่นอนแน่นอนไม่มีใครจะรักเราฉันจึงต้องเมาและต้องเมาเมาให้หัวใจมันลืมปวดใจเมากันไหมมาเมากันดีกว่าสีมาดื่มให้คลึ้มอุราเราดื่มให้เมาเมื่อเรามันคนไม่ดีเมื่อเรามีคนรักที่ไรพอเพียงวันผ่านไปเธอก็ทิ้งเราเที่ยวมัวเมากับคนต่อไปอีกฉีกใจฉันแทบดับและเกือบยับเยินต้องเดินไปชนกับสุราควรดื่มให้แก้วตาหยอดดวงใจมาสิมาพวกเรามาดื่มกันลืมเถิดลืมมันเรื่องความรักมันเจ็บนักมันปวดนักคนที่เรารักกลับมาว่าเราเป็นคนไม่ดีโลกนี้ไม่มีแน่นอนโลกเรานี้ไม่มีความแน่นอนแน่นอนไม่มีใครจะรักเรา Ouais, ben là, si ça vous a pas plu, vous êtes difficile. Difficile de six superbes reprises. C'est comme ça que ça commençait, les échangeurs d'air, avec The Traces, qui nous faisait Je t'aime moi non plus. C'est une compilation qui s'appelle Thai Beat à Gogo. En fait, tout est tiré de compilations Thai, soit Thai Funk, Thai Beat à Gogo, puis aussi Thai, une qui s'appelle le Thai Pop Spectacular aussi. C'est vrai que c'était spectaculaire. Donc, on est passé ensuite à Chantana Kitty Japan qui nous faisait Yaya. Entre parenthèses, non. reprise de Lady Marmalade, absolument reconnaissable. Supaform nous faisait Lua Changsi sur Thai Beat à Gogo, volume 3. Et on est passé à Chimi Chimi Coco Bop. C'est le groupe de Reasons. Vous comprendrez que j'ai eu de la difficulté à trouver des informations très pertinentes sur ces groupes des années 70, début 80, qui enregistraient sur des cassettes dans des petits studios. Tout ça, et souvent, ben, ils ont possiblement arrêté leur carrière après un certain temps, même si l'espérance de vie en Thaïlande est très bonne, 75,8 ans. Pays de 69 millions d'habitants, tu savais cela, Jean-Philippe? Pas tout à fait, voilà, Jean-Philippe ne le savait pas. Ce qui nous amène à Kana TNT. Kana TNT nous faisait Kod Agn Kam, qui est The Wall. Et là, aujourd'hui, j'ai fait des recherches, finalement, on s'était rendu compte que c'était probablement une chanson d'amour, ça avait été transformé. Le message de Pink Floyd avait été légèrement transformé. Ensuite, on est passé à Don Son Rabeab. Je m'excuse auprès de la communauté thaïlandaise pour mes prononciations, évidemment. Je ne sais pas s'il y a une forte communauté thaïlandaise à Québec ou au Québec. Mais en tout cas, je ne connais pas de Thaï. Ah oui, j'en connais un. Ah non, finalement non. Voilà, c'était quelqu'un de vanille. Mao, Drunk. Donc, c'est la pièce de Don Son Rabeab sur Taifong Zodrangma. Ouais, play that funky music. Et ensuite, on est passé à Funky Town. Une très belle version de Prani Tanasri. On dit ciao to Tanam. Funky Town. C'était très, très joli. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis ensuite, on a eu, pour terminer, Tianam Pom Malakoum, qui nous faisait plein show sur Thai Pop Spectaculaire, des trucs des années 60 à 80. Et on essaie de se souvenir de qui a fait ça. Jean-Philippe pense que c'est un groupe belge au départ, mais on n'arrive pas à être sûr. On n'arrive pas à se... Oui, on connaît la toune, ça nous dit quelque chose, mais on n'arrive pas à se... Ouais, c'est ça, c'est quoi, 640-1586, si vous savez ce que c'était, ça nous rendrait bien plaisir, ça nous ferait bien plaisir. Maintenant, on s'en va faire un tour du côté du funk classique. Alors, des trucs des années 70, 73, 74, avec du James Brown, The Meters, Roy Ayers, Ubiquity, du Marvin Gaye aussi, tiens, on n'entend pas... des tonnes de Marvin Gaye de ces temps-ci à la radio. Ben, ça va être pas mal ça qui est ça. Eh oui, ouais, allons-y. some get back. Payback. Payback. Oh,

Rien de tel que de parler avec un peu d'électrique derrière soi. Là, on est parti de la Thaïlande, puis on est allé aux États-Unis. Mais des États-Unis influencés par l'Afrique dans un certain point. On a commencé avec The Meters and Clapping Sound sur l'album Strutting de 1970. The Meters, c'est un groupe qui a été fondé en 69, qui est actif jusqu'en 77. Groupe fondé par Art Neville. Puis, c'est un groupe qui s'est reformé en 1989 et qui continue. semble-t-il. C'est ça, avec... il y en a qui sont encore là. Art Neville. Joseph Ziggy, modéliste, qui est encore là. Léon Nocentelli. George Porter Jr. Et c'est ça. Donc, il y a des gens qui sont restés. Puis, le groupe a eu pas mal de succès à une certaine époque. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe, parce qu'il me semble qu'on n'en entend pas parler particulièrement. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Jean-Philippe n'en a pas entendu parler. James Brown nous faisait de Payback sur l'album de Payback de 1973. Il y a énormément de choses à dire sur James Brown, mais un des trucs importants, c'est refaites votre testament fréquemment si vous avez 6 enfants, puis que vous en avez 6 enfants d'un premier mariage, de plusieurs mariages, en fait, des enfants illégitimes, et tout ça, ça vaut la peine de faire un testament, sinon ça prend un petit peu de temps à se régler. Ça peut être un petit peu long. Évidemment, James Brown a été très influencé, Jean-Philippe me racontait ça tout à l'heure, par Fela Kuti et son batteur Tony Allen, et c'est en voyant un concert en Afrique, donc de Fela Kuti et de Tony Allen, que James Brown a ramené finalement ce qui allait devenir la soul américaine funk. Et tant mieux pour nous, tant mieux s'il est allé voir le combat Ali Foreman à l'époque, Rumble in the Jungle. Roy Ayers, Ubiquiti suivait sur Change Up the Groove de 74, la pièce Boogie Back. C'en est un autre qui a fait pas mal de choses, dont être. Excusez-moi, voilà. Il a été bon arrangeur, compositeur, interprète, musicien multi-instrumentiste, oui, puis il est encore vivant à 78 ans. Il joue du piano, du vibraphone, chante aussi. Beaucoup de ces gens-là étaient des musiciens vraiment accomplis, complets. Puis souvent qu'on reprend leurs trucs, on se rend compte que ça a été samplé des paquets de fois. Puis Roy Ayers a été dans la Blaxploitation, puis d'ailleurs c'est de ça qui était tiré la pièce qu'on a entendue. Alors il s'est mis à travailler pour ces films-là qui redonnaient enfin un peu de place aux Noirs, aux Afro-Américains dans le cinéma, au lieu de leur faire jouer des rôles de personnes mourant vite. Ils pouvaient être le héros maintenant. Et c'était une bonne chose. The Soul Searchers nous faisait Ashley's Roach Clip sur Salt of the Earth de 1974. Lorsqu'on parle d'albums samplés souvent, celui-là semble battre les records. C'est considéré comme l'album le plus samplé dans le hip-hop. Surtout à cause de batterie et basse, c'est ça qui sont caractéristiques et de cette époque et de ce disque en particulier. Puis c'est vraiment quelque chose de très chouette. On aime The Soul Searchers. Marvin Gaye terminait T Plays It Cool sur la bande originale du film Trouble Man de 72. Marvin Gaye, qui est décédé vraiment trop tôt, mais tué par son père, avec un pistolet que lui-même lui avait acheté 4 mois plus tôt. Son frère, un de ses frères, estime que c'était probablement un genre de suicide volontaire. En fait, il provoquait son père en sachant que son père allait finir par tirer dessus, parce que lui-même a fait quelques tentatives de suicide dans sa vie, et c'était pas nécessairement une vie si rose que ça, avec un père vraiment hyper violent qui posait des questions sur la Bible à ses enfants, puis s'il répondait pas comme il faut, et les fouetter avec une ceinture. C'est pas nécessairement ce qu'on souhaite comme enfance. Puis ça l'a marqué, mais lui aussi a eu une carrière musicale fort fructueuse. Puis ce qu'on sait, moi, c'est ça, c'est qu'il jouait bon clavier, clavinette, batterie, percussion et du piano aussi. C'est ça, plusieurs. Un autre multi-instrumentiste, on en retrouve plusieurs à cette époque-là, et de grands instrumentistes. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le prochain bloc? Ah ben là, François Droubet, Asmus Tetchen, Pierre Bastien, Pascal Kamlad. C'est hétéroclite. Il y a des hommes du matin et des hommes du soir. Je suis de ceux-là. Depuis la première enfance, j'ai toujours eu des difficultés à accepter le sommeil le soir. Est-ce l'heure de la naissance, la conjoncture astrale? Est-ce la peur de l'obscurité? Le manque de confiance? Ne pas vouloir confier son sommeil à l'obscurité? Je ne suis ni un vampire, ni un zombie, mais j'aime la nuit. Aussi bien la nuit citadine, des interdits, des fêtes, pleines de néons et de lanternes rouges, que la nuit sauvage, pleine des bruits de la vie et pleine des mystères de la mort. Ce goût décidé de l'enfance, je l'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. J'en ai même fait une déformation professionnelle. Je suis compositeur et c'est un bon prétexte pour ne pas dormir la nuit. Le calme, l'inspiration infiniment plus riche, la création créditée. Si vous aimez la nuit et la mer comme moi, alors sur le champ, laissez tout ce que vous êtes en train de lire et allez-y, partez! Mais tant qu'à faire, pour la première, allez dans une mer chaude. Dans les eaux tropicales, les retrouvailles sont totales. Les retrouvailles avec le milieu pré-utérin, le liquide, l'obscurité, la chaleur. C'est sous les eaux des Caraïbes que je fais ma première expérience de plongée de nuit dans une mer chaude. Bien que déjà accoutumé aux immersions nocturnes, j'étais tout de même impressionné à l'idée d'éventuelles mauvaises rencontres. Par exemple, le barracuda que j'avais appris à ne plus craindre de jour ne méritait-il pas justement l'inquiétante réputation qu'il s'est faite aux Antilles? Sa silhouette, son allure de grand carnassier, ne serait-elle pas précisément celle d'un prédateur nocturne? Je n'ai toujours pas la réponse, mais j'en doute fort, n'ayant jamais vu un seul barracuda en plongée de nuit. D'ailleurs, dès l'entrée sous le royaume nocturne des eaux tropicales, l'inquiétude cède à l'émerveillement. L'eau est délicieusement tiède, maternelle. Dans cette silencieuse obscurité pré-utérine, remonte le souvenir doux du fœtus aquatique que nous avons été, nageant dans le chaud liquide placentaire, oxygéné par le détendeur ombilical. Double retrouvaille de la vie prénatale et d'une vie préterrestre, la vie sous-marine, sous la nuit des mers chaudes, est restée intacte, telle qu'elle était avant l'homme, rare spectacle qu'il a pour le moment épargné. Les Noctilux sont fidèles au rendez-vous, plus brillants que jamais. Sur les madrépores, dont la plupart sont épanouis, une invraisemblable profusion d'invertébrés, gastéropodes, nudibranches, sélentérés, qui sont invisibles de jour sous les roches. J'ai vu la nuit sous la mer. D'abord, ça fait comme l'hiver, avec de la neige noire. Mais quand tu allumes ta lumière, c'est encore plus beau qu'au printemps chez nous. C'est comme une grande fête, sans musique, et ça fait un peu peur. Il y a des fleurs qui ont des pattes, des serpents déguisés en plantes, les arbres sont couverts de bouches, et les oiseaux ont des nageoires. J'ai voulu me perdre dans la nuit et je m'y suis trouvé. J'ai cru m'enfoncer dans l'eau noire, et j'ai plané plus libre que dans l'air. Je n'avais imaginé que les monstres féroces, noirs comme les ténèbres, et j'ai vu des bijoux étincelants, fragiles, lumineux. voulez pas? Mes gencives me font un peu mal, mais ça va passer. Fais gaffe, les gencives, c'est capital. Regarde, c'est là, entre la dent et la gencive, que les bactéries attaquent. Et toi, tu fais quoi, toi? Moi, je me brosse régulièrement les dents avec un dentifrice pour les gencives. T'as des gencives? Ça chasse les bactéries. Et maintenant, mes gencives... C'est du béton. Ah, tu gardes la pomme. Moi, je prends Tony Gencil. Tony Gencil, parce qu'il faut aussi de bonnes gencives pour avoir de bonnes dents. Yeah. Minum. Slapne. Njam. Ošep. Gilif. C'est de la vraie musique. Ça, c'est de la vraie musique de fond sonore. Love Team, c'est Fausto Papetti. Voilà, Fausto Papetti, que l'on salue. C'était le dernier bloc. Oui, notre émission s'est terminée comme ça, mais il nous reste à dire ce qui a joué, parce que on voit Benoît Arcand danse en écoutant le fond sonore comme ça. Il est prêt à faire son émission Terre et Vague. Nous avons commencé le bloc avec François de Roubaix, La nuit sous la mer, remix, et c'est tiré d'une bande originale du film Les Lèvres Rouges, avec Daniel Ouimet, oui, de 1971. Et François de Roubaix est très connu aussi pour avoir fait la musique de l'excellent film Le Vieux Fusil. Hein? Et le thème de Chapi Chapeau aussi. Oui, évidemment. Ça, c'est faut pas négliger ce genre de truc-là. Il est mort malheureusement très jeune en faisant de la plongée sous-marine. Puis, ça, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner, mais il aurait donné une carrière musicale pas mal riche parce que justement sa spécialité c'était vraiment la musique de film et tout ça. Puis il a travaillé sur des trucs comme le Skoumoun. L'homme orchestre, les grandes gueules, le samouraï, dernier domicile connu, toutes sortes de trucs qui, par la suite, ont été repris. Entre autres, Robbie Williams repris de la musique de Dernier Domicile Connu pour faire sa chanson Supreme. Hein, détail que Jean-Philippe ne savait pas. Hein, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Jean-Philippe, pourtant, qui est un grand admirateur de Robbie Williams. À moins que ça ne soit pas lui. Voilà. Asmus Chechens nous faisait Traumchems am Fenster sur l'album Biotope de 1981. Un autre qui fait de la musique électronique. Oui, puis de la musique avec toutes sortes de trucs, de la musique concrète. Toutes sortes de choses qu'il y a plein de gens qui n'écoutent pas. Et c'est dommage parce qu'ils devraient écouter ça. Il se fait aussi appeler Hematic Sunset et Club of Rome. C'est drôle, le Club de Rome, c'est comme le plus merveilleux groupe complotiste au monde. Oui, vous pourrez aller voir là-dessus, c'est ça, avec Illuminati, là, je pense qu'on doit atteindre des sommets avec tout ça. Puis il y a une assez bonne discographie qui se continue encore jusqu'en 2012. Il a travaillé sur plein de compilations, un paquet de trucs, mais c'est ça, donc il est connu surtout comme musicien de musique expérimentale. Pierre Bastien nous faisait Marimba Combo sur les premières machines de 68-88, une compilation. Lui aussi, c'est un admirateur de John Cage. Puis il s'est mis à construire des instruments, à faire toutes sortes de trucs en ramassant des métronomes, des cymbales, des poulies, puis des vieux électrophones, toutes sortes de trucs qui permettent de faire des sons et de jouer avec ça. Spécialité de Pierre Bastien. Pascal Comlade, un habitué de l'émission, on en a mis souvent. Dancing on My Sofa sur Détail Monochrome de 1984, album que nous avons beaucoup écouté. Lui aussi a une carrière très remplie. Beaucoup d'albums, beaucoup de participations à toutes sortes de choses, théâtre, film. Puis à un moment donné, il s'est mis à jouer beaucoup avec des instruments à jouets. Des trucs comme ça, de petits ou de gros pianos. Puis, il y a quelques résultats là-dedans qui sont vraiment extrêmement notables. Puis, très, très intéressants. À mon goût, à moi. Et on a continué avec Luc Mariani, qui nous faisait Video Screens Control, sur Video Screens Control Between Light and Sound Waves de 84. Pas plein d'informations sur Luc Mariani, qui est né en 54. Ouais, c'est un journaliste français qui s'est mis à la musique, c'est ça, mais il n'y a pas une tonne de trucs sur lui. Jean-Michel Jarre terminait avec Eros Machine sur l'album La Cage, un 45 tours de 1971. Et moi, tout ce qui me reste à dire, c'est à la semaine prochaine.